Les techniques et les phases, le flow qui t'efface. Viens pas tester gage, si tu viens je t'écrase. Tu connais les blagues, t'as capté la vibe. Mets-toi dans l'ambiance, apprécie le 11. Tous un peu les watch, fais bouger du monde. Quand je suis sur le mic, on dit que je fais mal. Je débarque dans la plateforme, d'hab, tu gites des skies. Mon shoot est égal, le hip-hop s'égare. Ils font tous les cages, j'ai poussé mon cri. Les hypocrites, quand je sors de ma crypte, armée d'amis qui vite être éminique. Je l'ai vite au-dessus de bitch, je fume un split en white bitch, élimine. Je suis plus le même depuis que le rap est mort, vu que je peux plus le mettre. Alors dis-moi si quel maître que je lui mette un mic dans sa chenille, fais belek. Mec, c'est la merde si tu nous testes en public. Quand je kick, je suis dans un trip gueudin comme Stanley Kubrick. On vient casser les briques, elle est fautive, ramasser les billes. Dans le rap, personne ne brille, à part YB, mais piste au crazy. La technique et les faces, le flow qui t'efface, les MC qui froissent, le son qui tabasse, tu connais les blasts. La technique et les faces, le flow qui t'efface, les MC qui froissent, le son qui tabasse, tu connais les blasts. La technique et les faces, le flow qui t'efface, les MC qui froissent, le son qui tabasse, tu connais les blasts. La technique et les faces, le flow qui t'efface, les MC qui froissent, le son qui tabasse, tu connais les blasts. La technique et les faces, le flow qui t'efface, les MC qui froissent, le son qui tabasse, tu connais les blasts. Écoute le son qui passe, goûte le flow qui bat, phase de dédicace, check, YB pète sur les qui passe et Bastos, c'est mon Tieka Braco qui me teste en rodéo. Une canette sous le capot, c'est bad trip. Mais quand tu suces, mais t'as pas de trip. Fous le roi dans l'air si tu kiffes pas, c'est que t'as pas de trip. Braque le mic, t'as fait cracher, bâche les wackés, gratter les wackés, couche, défoncer les chartes et les bacs. Comme un aimant, mec, j'attire le chrome et compte les morts. Peu importe le DJ, il sait que sa compil il est morte. C'est YY, BB, drive by et CB. Baisse le mic comme une tasse, c'est bye bye, baby. Pousse le beat, où j'habite, les beats c'est vital. Brutal comme une perquise, j'ai un mafieux rital. Calmement, on vise de haut façon Jay-Z. Y'a du buzz à faire, YB, mes fistos crazy. La technique et les faces, le flow qui t'efface, les MC qui froissent, le son qui tabasse, tu connais les blasts. La technique et les faces, le flow qui t'efface, les MC qui froissent, le son qui tabasse, tu connais les blasts. La technique et les faces, le flow qui t'efface, les MC qui froissent, le son qui tabasse, tu connais les blasts. La technique et les faces, le flow qui t'efface, les MC qui froissent, le son qui tabasse, tu connais les blasts. La technique et les faces, le flow qui t'efface, les MC qui froissent, le son qui tabasse, tu connais les blasts. J'mets le grappin sur la grosse part, le coup de grosse part, les Zoulous actent de mes flips sur ma. Code pas. Attends, le rap c'est pas une IV de la fac. Je veux troquer mon BTS contre le diplôme de la FNAC. C'est ma tech qui te flex, mais mon ego trip. J'ai bougé les becs et les têtes, faut que les zéros pipent. Laisse-moi la place, c'est vite, là mes couilles sont pleines. De la butte au clos, la zika coulée, mais restez vilaine. S, la grosse guette sous la basse, le flow qui tabasse, les MC qui tabasse sur 10 ou le fil, il vaut bien 10 sur 10. Bref, t'as kiffé ta race, on t'a pas mis en feu, fais ton île, on se commune, ta sous ta peuse, ouais, big crazy. Sur beat, on s'amuse, on t'allume si t'abuses, tout t'a cliqué, t'abuses, t'as capté ton capuse, viens rejoindre ma pute, cette garce que t'appelles ma puce. Tu vois, dis MC, t'es qu'un chien de plus. La technique et les faces, le flow qui t'efface, les MC qui froissent, le son qui tabasse, tu connais les blasts. La technique et les faces, le flow qui t'efface, les MC qui froissent, le son qui tabasse, tu connais les blasts. La technique et les faces, le flow qui t'efface, les MC qui froissent, le son qui tabasse, tu connais les blasts. La technique et les faces, le flow qui t'efface, les MC qui froissent, le son qui tabasse, tu connais les blasts. La technique et les faces, le flow qui t'efface, les MC qui froissent, le son qui tabasse, tu connais les blasts. Les MC qui froissent, le son qui tabasse, tu connais les blasts. Les MC qui froissent, le son qui tabasse, tu connais les blasts. Les MC qui froissent, le son qui tabasse, tu connais les blasts.